C'est quoi Lucifer? Lucifer, c'est un mécanisme qui est au-delà des structures d'alarme, qui fait partie de la récupération de l'énergie au niveau d'un potentiel d'intégration chez l'être humain. Donc, c'est très vaste, là, ce serait long, là. C'est très vaste, Lucifer. C'est plus long parler de Lucifer que de parler des anges ou... De toute façon, ça fait partie de... Quelque part, ça fait partie des forces plus élevées que l'ego humain au niveau psychologique. C'est-à-dire que c'est des formes structurelles en termes de détournement de l'intelligence de l'homme, puis c'est pas intégré par la conscience psychologique parce que ça n'en fait pas partie. Donc, au niveau d'un porteur de lumière, par exemple, il y a là les mécaniques inconscientes qui ont aidé à former l'intellect. La lumière qui se réfléchit. Un porteur de lumière, il n'est pas la source de la lumière. Il ne produit pas la lumière, il la porte. Et là, on parle aussi de formes mémorielles non humaines au niveau expérimental. C'est-à-dire qu'il y a pas juste les mécaniques que l'humain subit là-dedans. Il y a des choses qui sont au-delà de... Donc, c'est très, très vaste. C'est très, très vaste.